Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire 2001, l'Odyssée de l'espace, le grand poème spatial de Stanley Kubrick. C'est un film effectivement emblématique pour, pas seulement pour les gens qui aiment la science-fiction, mais aussi c'est devenu quelque chose qui s'est imprégné dans la conscience populaire, occidentale et même mondiale à force, parce qu'enfin depuis 68 il a eu le temps de rouler ce film. Il y a tout un tas d'images qui font maintenant partie, de la même façon je crois que la première explosion nucléaire et l'image de la Terre vue de l'espace, il y a des images de ce film qui font partie du grand album de famille de l'humanité d'une certaine façon. Film emblématique, image appartenant au grand album de famille de l'humanité. C'est avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'éloquence aussi, que l'auteur de science-fiction Elisabeth von Harbour parle du film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Il est vrai que ce film-là, aujourd'hui encore, est considéré comme l'un des grands chefs-d'œuvre du cinéma au 20e siècle. Ses images et sa musique ont laissé une empreinte profonde dans notre imaginaire et continuent d'être étroitement associés à l'idée que l'on se fait de l'espace. Bonjour. Je suis un superordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. Je suis entré en service opérationnel dans les laboratoires CARL de Verbana dans l'Illinois le 12 janvier de l'année 1992. Extrait du film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, lancé en orbite, si je puis dire, en avril 1968. Pour nous raconter la petite histoire derrière ce grand film, j'accueille le chroniqueur cinéma Georges Privet, que vous pouvez entendre chaque semaine à l'émission Médium Large, que vous pouvez également lire, entre autres, dans la revue L'Inconvénient. Georges Privet, bonjour. Bonjour, Jacques. Quelle place il occupe, ce film-là? Je le disais, c'est un chef-d'œuvre. Encore aujourd'hui, on le considère comme un chef-d'œuvre du cinéma au 20e siècle. Pourquoi? Quelle place il occupe dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire du cinéma science-fiction, Georges? Ben, techniquement, disons qu'il occupe vraiment les sommets sur les listes qu'on fait périodiquement, comme la revue Sight and Sound, qui fait à chaque année une liste des plus grands films de l'histoire du cinéma. Il est toujours dans les 2-3 premiers. C'est généralement lui ou Vertigo qui est en tête, dépendant. Dans l'histoire du cinéma de science-fiction, il occupe vraiment une place très particulière parce que c'est un des très rares films de science-fiction intelligent, philosophique, de nature spéculative, on pourrait dire, dans un genre bon, qui a toujours été traditionnellement un peu puéril, un peu facile, et on a rarement entrepris des aventures de ce genre à cette échelle, c'est-à-dire que c'est à la fois un film d'auteur, ouais, un film grand public et vraiment un film expérimental. Mm-hmm. Et réunir les trois, c'est excessivement rare dans n'importe quel genre, et dans la science-fiction, ça l'est encore plus. Ouais. Il y a peut-être que le Solaris de Tarkovsky qui pourrait être équivalent, si vous voulez. Il n'y a pas vraiment de films de ce genre-là qui ont été faits à cette échelle-là, à part celui de Kubrick. Ouais. Et c'est un premier grand coup pour le cinéma de science-fiction aussi, qui nous amène ailleurs. Vous dites que ça s'est même pas encore fait depuis, mais cette idée de se projeter dans l'espace, mais dans le futur, mais encore une fois, vous utilisez le mot intelligence de manière intelligente. Absolument. Et documentée. Quand Kubrick contacte Arthur C. Clarke, quelque part en 65, c'est avec l'idée de faire le proverbial bon film de science-fiction, c'est-à-dire celui qu'on n'est pas arrivé à faire jusque-là, qui soit intelligent, qui soit pertinent scientifiquement, qui ne soit pas risible. Et Arthur C. Clarke, qui est un écrivain de science-fiction, mais qui est aussi un chercheur, quelqu'un dont les idées sont pratiques et crédibles, va travailler très fort avec Kubrick pour que ce film-là soit inattaquable sur le plan scientifique, ouais, mais soit aussi une grande aventure métaphysique. et essentiellement une réflexion sur l'évolution de l'intelligence humaine. Ouais. Comment est-ce qu'on part, ce film-là? Vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce qu'il fait en me posant une question comme ça? Mais on peut pas... Il y a un autre grand monument dans le cinéma de science-fiction, c'est La Guerre des étoiles, Star Wars. Comment comparer, par exemple, 2001 à Star Wars? C'est le jour et la nuit, c'est le divertissement et la réflexion. C'est-à-dire que George Lucas lui-même était très humble par rapport à 2001. Il était très admiratif du film de Kubrick, très admiratif de ses prouesses technologiques, mais aussi de sa portée philosophique. Le film de Lucas, La Guerre des étoiles, est plutôt l'héritier de tout un genre de serials à la Flash Gordon, ouais, si vous voulez, qui était très populaire dans les années 30 et 40. Et Lucas s'est dit, de manière très intelligente, d'un strict point de vue commercial, qu'est-ce qui arriverait si on faisait un de ces vieux trucs-là, mais avec la technique d'aujourd'hui? Ouais. Et ça a été le succès que l'on sait. Ouais. La démarche de Kubrick est complètement différente. Et justement, quand le président de la MGM a annoncé la production de 2001, il a dit, ce ne sera pas un truc à la Flash Gordon. Ouais. Pourquoi il s'embarque là-dedans, d'ailleurs, la MGM? C'est complètement... Ça va devenir encore plus fou que ça ne devait l'être. On y viendra dans un instant là, sur l'histoire du tournage, mais c'est déjà assez fou, merci, comme idée et sur papier. Pourquoi la MGM dit oui à ça? Je pense que c'est un petit miracle qui est dû à la réputation qu'a Kubrick à l'époque. Il a quand même fait Lolita, Spartacus, il sort de Doctor Strangelove. C'est un jeune auteur qui monte. Il a 34 ou 35 ans au moment où la production est annoncée. Et il a déjà une espèce de légende qui l'entoure parce qu'il s'est établi depuis quelques années en Grande-Bretagne, loin des studios américains, parce qu'il a la réputation d'une tête forte et d'un type insatiable et qui prend des risques et des risques qui payent. Alors, il arrive donc à leur vendre l'idée de faire un film basé sur une nouvelle de 12 ou 13 pages d'Arthur C. Clarke, en leur disant, on écrit un roman parallèlement à ça. Il leur montre un premier jet du roman avec un scénario où il est écrit à toutes les 4 pages. Nous travaillons très fort pour construire les plus grands effets spéciaux jamais faits. Incroyable. Et MGM dit, oui, banco, on y va pour 6 millions et demi. Un 6 millions et demi qui sera presque doublé, ouais, au terme de la production et sur laquelle MGM va vraiment risquer une grande partie de sa peau quand 2001 sort. Essentiellement, MGM, c'est une compagnie qui est presque finie, presque ruinée, pas juste par 2001, ouais, mais par des coûts qui n'ont pas marché. Et sur le coup, 2001 est un coût douteux. Donc. Ouais. On va revenir sur l'histoire absolument rocambolesque du tournage dans un instant, mais un petit mot sur le contexte, parce que ça fait partie, je reviens à cette intelligence de Kubrick, il ne fait pas ce film-là comme ça, c'est pas... Il y a une idée derrière ça, il y a un contexte, c'est un contexte politique d'abord, ah, ben absolument, qui l'amène à ça. C'est l'ère de la grande course pour l'espace, hein, je veux dire, Kennedy l'a annoncé au début des années 60, les Russes y sont aussi, c'est de savoir qui ira d'abord dans l'espace, qui ira éventuellement sur la Lune, c'est dans l'air. Et Kubrick sort justement d'un film, Dr. Strangelove, Dr. Follamour, qui porte sur cette rivalité entre les Russes et les Américains. Il a fait sauter la planète à la fin de Dr. Ouais. Strangelove. Il n'a littéralement plus d'autre endroit où aller que l'espace. Ouais. Il suit la rivalité entre les Russes et les Américains dans l'espace. On la voit dans 2001. Et c'est tellement un sujet à la mode à l'époque. Ouais. Tous les gens qui ont grandi à cette époque-là, comme moi, se souviendront que les astronautes, la NASA, tout ça, c'était dans l'air, c'était dans la télé, c'était dans tout ce qu'on voyait, dans la BD, mm-hmm, à l'époque. Donc, le sujet est dans les consciences. La grande différence, c'est qu'ils vont le traiter très sérieusement. Ouais. Et puis, petite anecdote, en fait, c'est peut-être plus qu'anecdotique, vous nous le direz dans un instant, mais c'est cocasse en tout cas. C'est un film de l'ONF, Notre Univers, Universe, qui va être un petit peu, qui va être une manière de bougie d'allumage pour Stanley Kubrick dans ce que va devenir 2001, l'Odyssée de l'espace. À l'extrême limite des forces des plus puissants télescopes, les galaxies ne cessent de ponctuer l'espace, aussi nombreuses elles-mêmes que les étoiles que nous apercevons lorsque nous levons les yeux vers le firmament nocturne. Or, à l'instant même où nous contemplons la voûte étoilée, nous ne faisons que considérer l'image d'un passé déjà lointain. Car la lumière qui vient toucher notre regard cheminait dans la nuit bien avant que la vie humaine existât sur cette planète appelée Terre. Depuis l'aube des temps, sur toutes les planètes de toutes les galaxies de notre univers, combien de civilisations ont pu naître, plonger leur regard dans la nuit, poser les questions que nous posons, et puis s'évanouir comme un souffle de vent. Extrait du film Notre univers, Universe, réalisé en 1960 par Roman Kreutzer et Colin Lowe, un film de l'ONF. Quelle importance aura ce film-là pour Stanley Kubrick et Georges Privet? Il aura une importance fondamentale parce que la grande question qui confronte Kubrick quand le tournage du film débute le 29 décembre 65, c'est juste de comment créer, rendre crédible le monde spatial. Ça a l'air bête à dire parce qu'aujourd'hui, on voit plein de films avec des effets spéciaux où c'est devenu monnaie courante, mais il faut savoir qu'à l'époque où Kubrick commence le tournage, il ne possède même pas une photo montrant la Terre au complet de l'espace, une photo en couleur. Il n'y en a pas. Ouais. La première, qui s'appelle Earthrise, sera prise par l'équipage d'Apollo 8 8 mois après la sortie du film. Donc, littéralement, tout est de l'ordre de la recherche et on devine plus ou moins les nuances du bleu de la Terre vue de l'espace. Et il sera très content quand le film sera sorti et qu'on aura des photos de l'espace de dire « on a eu à peu près raison ». Donc, quand il se demande « comment je vais faire ce film », il envoie un, celui de l'ONF, Universe, qui est très bien fait, même s'il est en noir et blanc. Et il est tellement bien fait que Kubrick est vraiment impressionné. Il a envie d'engager sur le champ toute l'équipe du film. Ça ne marchera pas, mais il va s'essayer. Il va s'essayer et, en fait, il ne pourra pas travailler avec Colin Lowe et Roman Kreutzer parce que tous les deux sont déjà pris par le pavillon Labyrinthe à Expo 67 pour lequel ils font un film. Mais eux vont lui recommander un autre membre de l'ONF, Wally Gentleman, qui va suivre Kubrick pendant un an, qui va s'épuiser parce qu'il dit qu'il est fatigué en force de perfectionnisme. Donc, il va quitter le projet, mais il va engager le type qui fait la narration de Universe, qui s'appelle Douglas Rain, qui va faire la voix en anglais du superordinateur Carl, Al 9000. Et il va même songer à tourner le film dans les studios de l'Office national du film, sur Côte de Liesse. Il va se renseigner à travers Colin Lowe. Finalement, ça ne marchera pas parce que son souhait, c'est de tourner le plus loin possible d'Hollywood pour avoir les coups des franches et pas avoir les studios derrière lui. Il y a 18 mois, a été découverte la première preuve formelle de l'existence d'une forme de vie intelligente extraterrestre. C'est un monolithe noir enfoui à 15 mètres sous le sol lunaire, près du cratère Tycho. À l'exception d'une onde extrêmement puissante qu'il émet en direction de Jupiter, ce monolithe, qui a la forme d'un parallélépipède et dont l'âge a été évalué à 4 millions d'années, est resté depuis 18 mois complètement inerte. Son origine et son but sont encore aujourd'hui un mystère total. Autre extrait du film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. De fait, Georges Privet, qu'est-ce que ça raconte, ce film-là? Essentiellement, l'évolution de la conscience humaine sur 4 milliards d'années. C'est-à-dire, ça commence juste ça. Et c'est d'ailleurs un des éléments séduisants du film, sa folle ambition narrative et thématique de dire je vais commencer par l'homme préhistorique et je vais me rendre jusqu'à l'évolution de la prochaine étape de l'humanité. Et tout ça raconté en quatre temps sur quatre époques avec un monolithe qui vient scander l'action, l'apparition d'un monolithe qui incarne une forme d'intelligence venue d'ailleurs, qui vient périodiquement guider l'humanité à travers son chemin vers une forme de conscience supérieure. Ça sera pas simple d'arriver à ce résultat-là. Je l'ai évoqué, ce tournage-là va être long, coûteux, rocambolesque. Racontez-nous, si c'est possible, cette histoire-là. Bien, il faut savoir que les effets spéciaux dont on parlait tout à l'heure, c'est un immense problème qui va gober finalement plus de 6 millions d'un budget de 10 500 000 $ à l'époque, ce qui est une somme faramineuse. Et réussir ces effets spéciaux-là, c'est quelque chose d'absolument crucial parce que s'ils ne sont pas réussis, non seulement le film n'est pas parfait, il est risible. Ouais. Il faut voir que les effets spéciaux à l'époque sont très déficients. Le seul film de cette époque-là où ils tiennent la route, c'est 2001. Et pour s'assurer que le film aussi une crédibilité scientifique. On est allé chercher une soixantaine de corporations, IBM, General Electric, Bell et compagnie, qui ont fourni des prototypes, qui ont construit des fois des prototypes de toutes pièces et s'est entouré de scientifiques à tel point que les gens de la NASA surnomment les studios de Boreham Wood en Angleterre où se tourne le film la NASA Est, parce que littéralement, il y a une partie des scientifiques qui sont là-bas pour s'assurer que le moindre détail, et le film n'a pas vraiment été pris... Le film tient le test du temps. Il n'a pas été pris en défaut sur la base d'erreurs scientifiques, parce que Kubrick veille au grain. Même l'immense centrifugeur qu'on voit dans le film, qui est un décor très important dans le film, a été construit par une firme d'aérospatiale, Vickers Armstrong, a coûté 750 000 $ à l'époque, ce qui est une somme délirante. tout est mis en œuvre pour que ce soit crédible, que ça tienne la route scientifiquement. Mais c'est fou. Autant de ressources, puis au-delà du budget, de l'argent que ça va coûter à MGM, l'idée même que ces gros joueurs, IBM, les autres, tout ce beau monde est en train d'essayer de se projeter dans le temps et d'inventer de la manière la plus réaliste possible. Comme aventure humaine, c'est fabuleux, là. Absolument. Inventer le futur. À quoi va ressembler le futur? Oh oui, absolument. Puis il faut dire aussi que c'est une époque où on idéalise le futur pour les gens et on se dit, c'est sûr qu'on va aller sur la Lune et qu'il va y avoir des colonies sur la Lune. Comme a dit Arthur C. Clarke quelques décennies plus tard, il dit la chose la plus étonnante, compte tenu de la fascination qu'on a toujours eue pour l'espace et pour la Lune, c'est non seulement la vitesse à laquelle on y est allé, c'est la vitesse à laquelle on en est parti. Parce que c'était il était inconcevable qu'on ne colonise pas la Lune. Donc, quand on voit le film aujourd'hui, on voit une époque idéalisée. 2001, pour Kubrick, ça n'a jamais été une date. C'est plutôt l'annonce d'une nouvelle ère. Ouais. Donc, ce qu'il voit, c'est un futur idéalisé de l'humanité qu'on regarde aujourd'hui avec une certaine nostalgie. C'est un futur qui ne s'est pas concrètement matérialisé tel quel, mais qui est d'une beauté stupéfiante à voir. Ben, parlons-en de cette beauté stupéfiante à voir et encore une fois de ce génie de Kubrick d'avoir réussi avant même qu'on ne le voit, cet univers de l'espace, avant même que l'homme marche sur la Lune, Kubrick, lui, tourne cet espace qu'on verra un peu plus tard, de manière assez réaliste, dans les studios de Londres. À nouveau, on écoute la force de cette image et de cette imagerie. On écoute l'auteur de science-fiction Elisabeth von Harbour à l'émission Canal Express en janvier 2001. Je crois que même à l'époque, en 68, il a commencé à avoir un impact davantage sur l'imaginaire, j'entends bien, davantage que la conquête de la Lune, qui avait lieu en même temps, en 69 à peu près. Hein. Les images étaient bien grises, bien floues de cet homme qui marchait sur la Lune, alors que celles de l'Odyssée de l'espace étaient extraordinairement colorées et frappantes. Il y a tout un tas d'images qui font maintenant partie, de la même façon, je crois, que la première explosion nucléaire et l'image de la Terre vue de l'espace. Il y a des images de ce film qui font partie du grand album de famille de l'humanité, d'une certaine façon. Que ce soit le monolithe, la station spatiale, le vaisseau qui part dans la quatrième partie, la troisième partie, en forme de clé ou de spermatozoïde, a-t-on dit. Il y a vraiment plein de choses là-dedans. Et si une des navettes de la NASA s'est appelée Discovery, de la même façon, portant donc le même nom que ce fameux vaisseau, c'est pas un hasard. On touche au génie, là, carrément. Ah oui, absolument. Au génie et une maniaquerie perfectionniste qui exaspère tout le monde, mais qui est la clé du succès de ce film. Parce que tout a été fait, refait, retourné, le moindre trucage. Il faut savoir que quand les techniciens des effets spéciaux travaillaient sur les maquettes de la Lune, ils recevaient à chaque semaine de nouvelles photos de la Lune, de la NASA, et ils corrigeaient les maquettes en conséquence. Ouais. Il n'y a pas un plan dans ce film-là qui n'a pas été retourné 30 fois. C'était fait avec un soin maniaque qui entraînait beaucoup de retard. La date de sortie était reporté à plusieurs reprises, de décembre 66 à avril 67, finalement avril 68, à tel point que les patrons de la MGM demandaient à Kubrick, est-ce que 2001, c'est le titre ou c'est la date de livraison du film? Ben, il va sortir le film en 68, le 2 avril 68. Il est présenté en grande première à Washington. Comment il est reçu, ce film, le soir de la première? Et il est reçu avec une brique et un fanal. C'est une des premières désastreuses de l'histoire du cinéma. Il y a exactement 241 personnes qui quittent la salle pendant le visionnement. C'est un public cravaté, endimanché, de Washington, beaucoup de politiciens, des vedettes de cinéma. Les gens n'y comprennent rien et c'est une telle catastrophe que Kubrick est obligé de couper en un week-end 19 minutes du film sur lequel il vient de passer près de 4 ans. Donc, c'est une sacrée dégelée et ça augure très mal pour la carrière du film qui pourtant commence bien, pas spectaculairement, mais bien, mais qui va prendre vraiment une expansion folle le jour où certains propriétaires de salles vont réaliser qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle et qui s'assoient souvent dans les premières rangées et qui fument des drôles de cigarettes. Ouais. Et à partir de ce moment-là, l'MGM va refaire la campagne publicitaire du film en surnommant le film « The Ultimate Trip », le trip ultime. Ça va attirer toute une génération de jeunes dont plusieurs futurs grands réalisateurs d'Hollywood. Ça a marqué profondément la génération Spielberg, Nolan, Cameron, George Lucas, tous ces gens-là. Ouais. Et ça va devenir un succès certain et durable. Un film culte, en absolument. Fait. Absolument. Puis il y a John Lennon qui va mousser la qui va déclarer qu'il voit 2001 une fois par semaine. Ouais. Fellini, à la sortie du film, envoie un télégramme à Kubrick en lui disant « Merci, c'est grandiose, vous m'avez fait rêver les yeux ouverts. » Ça va devenir vraiment une des grandes expériences emblématiques des années 60 et de l'histoire du cinéma, à cause de ce côté spectaculaire, intelligent, divertissant, mais aussi à cause de ce côté trip, expérience purement sensorielle à laquelle Kubrick tenait plus que tout. Il voulait que ce soit une expérience vraiment cinématographique, non-verbale. La première réplique vient 25 minutes après le début du film et la dernière vient à 30 minutes avant la fin du film. C'est un film d'image et ça parle beaucoup aux jeunes, aux enfants qui se laissent absorber par l'expérience plutôt qu'aux gens qui essaient de comprendre les dialogues ou analyser. D'ailleurs, il dira, Kubrick, à un moment donné, que les plus belles spéculations sur le film ont été faites par une adolescente de 15 ans qui s'appelle Margaret Stackhouse. Vous pouvez aller chercher son nom, Margaret Stackhouse, et 2001 sur Internet. Vous allez voir, c'est absolument brillant, plus que tout ce qui a été écrit sur le film. Film d'image, disiez-vous, à juste titre. On en a parlé beaucoup de la force de ces images, de cette imagerie, de cet imaginaire qu'a créé Kubrick. Mais on ne peut pas terminer cette émission sans parler de la musique dans ce film-là. Et si le tournage a été compliqué, la musique, ça n'a pas été plus simple. Non. Kubrick a, dès le début, l'envie de déjouer les clichés classiques, c'est le cas de dire, de la musique dans les films de science-fiction. Il est très intrigué par l'idée, vraiment par hasard, à un moment donné, il regarde les roches de la station orbitale qui tourne autour de la Terre et il y a un disque du Danube bleu qui joue à côté. Et il demande aux gens qui l'entourent, est-ce que ce serait génial ou complètement débile de mettre cette musique-là là-dessus? Donc, il devient très intrigué par l'idée de mettre de la musique classique, mais pour se couvrir, il va quand même faire appel à un vétéran hollywoodien, Alex North, qui a fait la musique de Spartacus, en lui disant, écoute, t'as 2 semaines pour accoter ça. Alors, il va travailler comme un fou au point de se rendre malade pendant 2 semaines à essayer d'accoter, bon, Ligeti, Strauss. Il n'y arrivera pas, le pauvre homme. Sa musique sera quand même enregistrée et c'est le soir de la première qu'il va découvrir qu'elle n'est pas dans le film. Aïe! Ceci dit, elle a été éditée par la suite, ça existe. Et c'est difficile de blâmer Kubrick de ne pas l'avoir retenu parce que du sous-Strauss, ça ne vaut quand même pas le vrai. Il a 50 ans, ce film-là, 2001, l'Odyssée de l'espace, sorti en salle en 1968. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, c'est un aussi grand film, 50 ans plus tard? Je pense parce que Kubrick a su toucher, d'ailleurs c'est un de ses objectifs au départ, une dimension mythique qui est au cœur de chaque spectateur, en faire vraiment une aventure épique. Le titre suggère ça avec cette nouvelle ère. Essayer de chercher une part de divin sans jamais la nommer, quelque chose d'exaltant qui exalte l'aventure humaine. Et c'est tellement rare qu'on voit, c'était rare à l'époque, c'est le plus encore aujourd'hui, un film qui a cette ambition formelle, technique, thématique, artistique, intellectuelle, et qui prend pour acquis l'intelligence du spectateur, qui n'a jamais eu peur de se dire, mon Dieu, ça, ils ne comprendront pas ça, ça va leur échapper. Il a fait confiance au temps aussi. Il s'est dit, si on ne comprend pas tout maintenant, ils comprendront un autre visionnement, ils comprendront dans 10 ans. On voit qu'il a visé l'éternité, comme dans le film « Jupiter et au-delà de l'infini », disons qu'il a visé l'éternité. Il s'est dit « ce film-là restera ». Et c'est extraordinaire parce qu'il n'y avait pas de vedette, il n'y avait pas un livre sur lequel c'était basé, c'était écrit en parallèle. Il n'y avait rien d'autre pour le vendre que sa vision. Ouais. Et sa vision a tenu la route de manière inespérée, grandiose. Georges Privet, c'était un bonheur, comme toujours, chroniqueur cinéma, ami de l'émission. Merci beaucoup, Georges. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.